Voici, en 30 minutes, des extraits de « Les Caprices de Marianne », pièce de théâtre écrite par Musset et publiée en 1833. Choix des textes, résumé, enregistrement de Jean-Paul Alexis, novembre 2018.